de tes caresses. Ta démarche m'attire, ton odeur m'enivre. Tes lèvres au goût de miel, je te trouve si belle. Marwa, mamma mia, je t'ai vu, j'ai plus sommeil. Marwa, mamma mia, je veux que tu sois ma belle. Marwa, mamma mia, je t'ai vu, j'ai plus sommeil. Marwa, mamma mia, elle veut du day, elle veut du day, elle veut du day, day, day. Yo quiero, quiero bailar contigo, Maria. Tu veux être avec moi, je te fais la promesse d'être fidèle. Viens, on commence et on avance, sans savoir où la vie nous mène. Eh bien, on t'a blessé dans le passé par des gens qui avaient de la haine. Tu seras mienne, oublie ta peine, laisse-moi devenir ton gentleman. J'irai jamais voir ailleurs, amour, c'est toi la meilleure. Oui, oui, c'est toi la meilleure, tu fais chavirer mon cœur. Je veux te faire rêver, je veux te voir danser. Laisse-moi te désirer pour enfin t'aimer. Marwa, mamma mia, depuis que je t'ai vu, j'ai plus sommeil. Marwa, mamma mia, je veux que tu sois ma belle. Marwa, mamma mia, depuis que je t'ai vu, j'ai plus sommeil. Marwa, mamma mia, elle veut du day, elle veut du day, elle veut du day, day, day. مين نشوف ينموت ينا قلبي عشق لي شو في وهران ساكنة ويارا ولا مين عرفتيني نبغيك وليتي واعرة ويارا ولا مين شفتيني نغير عليك راكي معميدة ويارا. Yeah.